ma blonde qui est jamais blonde, je me sens mal, j'ai mal. Ça doit être normal. Puis je pense au monde en général. À mes chums qui assoient la police, c'est même milieu incarcéral. À bombardement au club, pour moi, le building fédère à plein d'enfants. Aux femmes qui se font violer, puis aux enfants mal aimés. Au système judiciaire qui protège juste les riches, les privilégiés. Aux femmes tailleuses, je te cœurais. Mon cœur est déchiré. Les réalités des sociétés sont trop bizarrement administrées. Oh, le politicien tailleur, je te cœurais tentant de chaper, mais jamais mort. Tailleur à ceux qui abusent sur les plus petits. À ceux qui profitent des démunis. J'ai perdu des frères, des sœurs, des amis. Puis aujourd'hui, ma blonde qui est jamais blonde. J'ai plus rien à perdre, sans pression, sans honte. Dis ta gueule à tous ceux qui parlent trop. Puis à ceux qui se pensent pas, tu ta gueule. Mais là, tu comprends pas. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand-gneul. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand-gneul. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand-gneul. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand-gneul. Je tourne la page, une autre page blanche, m'en repenche. Je remonte ma manche, pense aux menteurs. À ceux qui mentent sans parapolis, qui t'écœurent. Au galard, au bord, la rose abuse. Pis ça me rend mauvaise humeur. Mes boys me disent qu'est-ce que ta gueule. Ce que tu dis, c'est grave. Tôt ou tard, ils vont te fermer la gueule. Mais eux, ils ont rien compris. J'ai perdu il y a longtemps la vie d'être une victime. Moi, si je reste muet devant l'injustice, je change au point un centime. Pis rap de l'Aziz, Salim, Yassine et Yamin. Je pas pour du poulet comme d'autres tatas. Personne me dit quoi dire comme d'autres tatas. Si je veux dire à mal où on est, c'est un voleur. À la peine en France, c'est un menteur. Au faisant des gars qui m'écœurent. Faux cops, que c'est des abusants. Racistes, que c'est des ignorants. J'ai pas peur. Faux gueule. Mais personne me dit ferme ta gueule. C'est moi qui dis ferme ta gueule. Au grand gueule, ta gueule. Ferme ta gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand-gneul. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand-gneul. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand-gneul. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand-gneul. Yo, j'sais pas pour toi, mais moi j'ai cœur et de ceux qui parlent trop. Les petits connaissent, qui connaissent tout, sauf la route du silence. Pour ça que j'perds patience, comme on perd confiance. Ta gueule, traite que venait des enfants dans l'innocence. Au sac que venait des enfants atteints d'efficience. Ta gueule, qui a l'air que venait n'importe qui, n'importe comment. Aux parents qui donnent pas d'amour aux enfants. Aux racistes qui persistent à blesser les gens physiquement. Au système en général pour être si archaïque. Capri historique, puis aux policiers qui jouent à le culuc sur la population. Comme si le monde ordinaire c'est des cons. Qui sont cons, la toune me déprime. M'en fous si ça rime, c'est comme si j'étais à veille de mourir. Puis je disais ce que j'avais à dire. Dommage, j'ai juste 3 minutes et quelques secondes ça tourne. C'est peut-être sur ça que j'ai autant de tounes sur la bombe. Soit sûrement pas toutes bonnes, mais ils sont vrais. Par du stress, la vie ici sur terre, ici misère. La petite vie. J'nique Claude Rush avec la vie. Puis j'signe mon texte avec ma vie. J'pisse au double H et mort au chétan. Chétan, chétan. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand-gneul. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand-gneul. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand-gneul. Pis tout le monde dirait chez nous. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand-gneul. Piatch. C'est ta gueule. Ah, who want this?